براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. Voici la proclamation de désengagement d'Allah et de son messager, dénonçant le pacte que vous avez conclu avec les associés. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. À ces derniers nous disons, allez de par le pays pendant 4 mois. Et sachez que vous ne saurez mettre au défi la puissance d'Allah, et Allah couvre d'opprobre les mécréants. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. Voici une annonce pour le jour du grand pèlerinage, adressée aux hommes de la part d'Allah et de son messager. Allah et son messager sont libres de tout engagement vis-à-vis des associés. Si vous vous repentez, cela vaudra mieux pour vous. Et si vous vous détournez de la foi, sachez que vous ne saurez mettre au défi la puissance d'Allah. À ceux qui n'ont pas cru, annonce un très douloureux supplice. Exception sera faite de ceux qui, d'entre les associatres, vous sont liés par un pacte auquel ils n'ont en rien failli, et qui n'ont prêté soutien à personne contre vous. Respectez donc leur pacte jusqu'à son terme, car Allah aime ceux qui le craignent. Aussitôt qu'expirent les mois sacrés, tuez les associatres là où vous les trouverez. Appréhendez-les, assiégez-les et soyez à l'affût et dressez-leur toutes sortes d'embuscades. Et s'ils se repentent, observent la salat et s'acquittent de la zakat, alors laissez-les en paix. Car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Et si l'un des associatres te demande protection, tu la lui accorderas, afin qu'il entende chez toi la parole d'Allah. Puis tu le feras conduire là où il se sentira en sécurité. C'est que ce sont des gens qui ne savent pas. Comment les associatres peuvent-ils bénéficier d'un pacte les liant avec Allah et son messager, excepté ceux avec qui vous vous êtes engagés près de la mosquée sacrée? Tant qu'ils se conduiront avec droiture à votre égard, conduisez-vous avec droiture à leur égard, car Allah aime ceux qui le craignent. Et comment pourraient-ils en être ainsi, alors que s'ils prenaient le dessus sur vous, ils ne respecteraient ni les liens du sang, ni n'honoreraient leur engagement à votre égard? Tandis que du bout des lèvres, ils s'emploient à vous faire plaisir, leur cœur s'obstine à vous refuser une telle faveur. La plupart d'entre eux sont des pervers. Ils vendent à bas prix les versets d'Allah et dressent les obstacles sur son chemin. Combien mauvais est ce qu'ils font? Ils ne respectent, vis-à-vis d'un croyant, ni lien du sang, ni engagement. Ce sont là les transgresseurs. S'ils se repentent, accomplissent la salate et s'acquittent de la zakat, alors ce sont vos frères dans la religion. Nous détaillons clairement les versets pour des gens qui savent. Et s'ils rompent leur engagement, pris sous serment, et dénigrent votre religion, vous combattrez alors les chefs de file de la mécréance, qui ne respectent aucun serment. Ainsi peut-être, ça raconte-t-il. Ala tuqatiluna qawman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrabi ar-rasuli wa hum badakukum awwal marrah atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Ne combattriez-vous pas des gens qui se sont parjurés, qui ont tenté de bannir le messager et qui vous ont attaqué les premiers? Les craindriez-vous? Allah lui, est peu digne de votre crainte si vous êtes croyant. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. Combattez-les. Allah leur infligera un châtiment par vos mains, les couvrira d'humiliation. Vous fera triompher d'eux et guérira le cœur d'un peuple de croyants. ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. Il dissipera la colère qui ronge leur cœur. Allah accepte le repentir de qui il veut. Et Allah est omniscient et sage. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. Ou alors pensez-vous que vous seriez délaissés, quand Allah n'a pas encore reconnu ceux d'entre vous qui ont lutté et qui n'ont pas pris d'alliés en dehors d'Allah, de son messager et des croyants. Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. Ce ne sert tout pas aux associés d'emplir les mosquées d'Allah, tout en témoignant contre eux-mêmes de leur mécréance. Ceux-là, vaines sont leurs œuvres, et dans le feu sera éternellement leur séjour. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Devons plutôt remplir les mosquées d'Allah, ceux qui croient en Allah et au jour dernier, qui accomplissent la salat, s'acquittent de la zakat et ne redoutent qu'Allah. Peut-être que ceux-là seront guidés vers la juste voie. Al-Muqtadin. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Auriez-vous cru que le fait de donner à boire aux pèlerins et d'entretenir la mosquée sacrée soit comparable au statut de celui qui croit en Allah et au jour dernier et lutte pour la cause d'Allah? Ils ne sont point égaux auprès d'Allah. Et Allah ne guide point les choses injustes. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Ceux qui ont cru, qui ont émigré et lutté pour la cause d'Allah par leurs biens et leurs âmes, seront élevés à un rang supérieur auprès d'Allah. Et ce sont ceux-là les vrais gagnants. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. Leur Seigneur leur annonce une miséricorde de sa part, une satisfaction et des jardins où il y aura pour eux une félicité permanente. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. Là, ils séjourneront à jamais. Car auprès d'Allah, il y a une très grande récompense. Ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya. La tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbu al-kufra 'ala al-iman. Wa man yatawallahum minkum fa ula'ika humud dhalimun. Oh, vous qui avez cru, ne faites pas de vos pères et de vos frères vos alliés s'ils ont penché pour la mécréance plutôt que pour la foi. Ceux parmi vous qui les prennent pour alliés sont eux les injustes. وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Dis, si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, votre clan, les biens que vous avez amassés, le commerce dont vous craignez la stagnation et les maisons où il vous plaît d'habiter, vous sont plus chers qu'Allah, son messager et la lutte pour sa cause. Alors, attendez qu'Allah rende son verdict. Allah ne guide point les gens pervers. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Allah vous a secouru en divers endroits. Le jour de Hunayn, notamment, vous exultiez en raison de votre nombre, lequel ne vous a servi à rien. La terre était trop étroite pour vous, en dépit de sa vastitude. Puis, vous avez pris la fuite et tourné le dos. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Allah fit par la suite descendre sa quiétude, Sakina, sur son messager et sur les croyants. Il fit descendre des armées que vous ne pouviez voir et soumit au supplice ceux qui ont mécru. Voilà la rétribution des mécréants. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. Allah, après cela, acceptera le repentir de qui il veut, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. Ô vous qui avez cru, les associâtres ne sont que souillures, ils ne s'approchent point de la mosquée sacrée après l'expiration de leur année. Et si vous craignez une pénurie, Allah, s'il veut, vous comblera de ses largesses, car Allah est omniscient et sage. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Combattez parmi les gens ayant reçu les Écritures, ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont proscrit comme illicite, et qui n'adaptent pas la religion de la vérité. Cela, jusqu'à ce qu'ils viennent, le profil bas, verser de leurs propres mains le tribut de capitation. Les Juifs ont dit, Uzair est le fils d'Allah. Et les chrétiens ont dit, le Messie est le fils d'Allah. Voilà ce qu'ils soutiennent de leur propre bouche. Ils répètent des propos semblables à ceux des mécréants avant eux. Qu'Allah les fasse périr. Combien ils sont dans l'erreur. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme divinités en dehors d'Allah. Et ils ont fait de même avec le Messie, fils de Marie. Pourtant, ordre leur fut donné de n'adorer qu'un seul Dieu. Point d'autre divinité que lui. Gloire lui soit rendue. Lui qui est bien au-dessus de ce qu'il lui prête comme associé. Ils voudraient bien éteindre la lumière d'Allah par leur bouche. Mais Allah ne veut rien de moins que parfaire sa lumière, quelque dépit qu'en aient les mécréants. C'est lui qui envoya son messager avec l'orientation juste, Huda, et la religion vraie, pour la faire prévaloir sur toute autre religion, n'en déplaise aux associatres. Ya ayyuha alladhina amanu, inna kathiran min al-ahbari wa ruhbani la ya'kuluna amwala an-nasi bil batil. لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Oh, vous qui avez cru, beaucoup de rabbins et de moines consomment frauduleusement les biens des gens et se mettent en travers du chemin d'Allah. À ceux qui thésaurisent or et argent et ne les dépensent pas pour la cause d'Allah, annonce un supplice très douloureux. Ce sera un jour où cet or et cet argent seront chauffés au feu de la géhenne, jusqu'à l'incandescence, puis brûleront leur front, leur flanc et leur dos. Voilà les trésors que vous avez amassés pour vous-même. Goûtez donc ce que vous amassiez. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Pour Allah et tel qu'il fut prescrit dans son livre le jour où il créa les cieux et la terre. Les mois sont au nombre de 12, dont 4 sont sacrés. Telle est la religion droite. Ne soyez donc pas injustes envers vous-même pendant ces mois. Livrez combat tous ensemble à tous les associatres, comme il vous livre combat tous ensemble. Et sachez qu'Allah est avec ceux qui le craignent. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. C'est un surplus de mécréance que de différer un mois sacré à une date ultérieure. Les mécréants n'en sont que davantage dévoyés. C'est ainsi qu'il le profane l'année, le mois sacré, et le déclare sacré une autre année, en se gardant bien de respecter ce nombre total de mois qu'Allah a prescrit comme sacré. Voilà donc qu'il profane ce qu'Allah a fait sacré. Leurs méfaits sont embellis à leurs yeux. Allah ne guide point les gens mécréants. Ya ayyuha alladhina amanu ma lakum idha qila lakum unfiru fi sabilillahi ithaqaltum ila al-ard araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Oh vous qui avez cru, qu'avez-vous donc à ne vous mouvoir qu'avec lenteur, comme si vous étiez arrivé à terre à chaque fois qu'il vous est dit à courir vers le chemin d'Allah. Vous êtes-vous donc contenté de la vie en ce bas monde plutôt que celle de l'autre monde? Les plaisirs de la vie ici-bas ne sont pourtant que bien peu de choses comparés à ceux de l'au-delà. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. Si vous ne vous précipitez pas vers le combat, il vous infligera un supplice très douloureux. Et vous substituera un autre peuple. Vous ne saurez lui nuire en rien, et Allah est de toutes choses infiniment capable. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Et si vous ne venez pas à son secours, au secours du prophète, Allah est déjà venu à son secours lorsque les mécréants l'avaient expulsé et qu'il était le deuxième des deux hommes que les mécréants avaient expulsé. Ils étaient alors dans la grotte et lui disait à son compagnon: ne t'affiche point, car Allah est avec nous. Allah fit alors descendre sur lui sa quiétude, Sakina, la pluie d'armée que vous ne pouviez voir, jeta bas la parole des mécréants et éleva la parole d'Allah, car Allah est tout puissant et sage. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Hâtez-vous vers le combat. Que vous soyez léger ou lourd, luttez par vos biens et vos âmes pour la cause d'Allah. Cela vaudrait beaucoup mieux pour vous si vous le saviez. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. S'il se fût agi d'un butin à portée de main ou d'un voyage à destination proche, ils auraient certainement suivi. Mais le trajet leur parut bien long. Ils jureront par Allah, si nous avions pu, nous serions certainement sortis avec vous. N'est-ce pas qu'ils se perdent eux-mêmes? Allah sait bien qu'ils ne sont que menteurs. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. Puisse Allah te pardonner. Pourquoi donc leur as-tu donné la permission de ne pas participer au combat, avant de reconnaître ceux d'entre eux qui disaient vrai et ceux qui mentaient? لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. Ceux qui croient en Allah et au jour dernier, eux ne te demanderont pas de les dispenser d'aller lutter par leurs biens et leurs âmes. Et Allah connaît parfaitement ceux qui ont la piété. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. Seuls te demandent cette dispense ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier, ceux dont les cœurs sont rongés par le doute, eux, dans leur incertitude, patauge hésitant. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. S'ils avaient voulu sortir combattre, ils s'y seraient déjà préparés. Mais il déplut à Allah qu'ils prennent ce départ. Alors, il les rendit indolents, et il leur fut dit: restez avec ceux qui restent. S'ils étaient sortis avec vous, ils n'auraient fait qu'ajouter à votre trouble. Ils auraient semé parmi vous la dissension et souhaité la discorde. Or, parmi vous, il en est qui les écoute volontiers. Allah connaît parfaitement les injustes. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. Ils ont déjà cherché auparavant à semer la discorde. Ils ont interverti autour de toi toutes les affaires jusqu'à ce que la vérité fût advenue et que le commandement d'Allah eût triomphé contre leur gré. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. Il est parmi eux celui qui dit « Autorise-moi à ne pas aller au combat et ne me livre pas à la tentation. » Mais n'est-ce pas à la tentation qu'ils ont finalement succombé? La GN cerne de toutes parts les mécréants. Si quelque chose d'heureux t'arrive, ils en sont déçus. Et si c'est un événement néfaste, ils disent « Nous avons pris nos précautions d'avance » et ils se détournent ravis. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Dis, rien ne nous atteindra qu'Allah n'est déjà écrit, prédestiné pour nous. Il est notre protecteur, et c'est à Allah que devons s'en remettre les croyants. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. Dis, qu'attendez-vous qui nous arrive, sinon l'une des deux meilleures choses possibles? Nous, en revanche, attendons qu'Allah vous frappe d'un supplice, venant de sa part ou par nos mains. Attendez alors, nous attendrons avec vous. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. Dis, dépensez de vos biens dans les œuvres de dévotion, volontairement ou malgré vous. Rien ne sera accepté de vous, car vous êtes des gens pervers. Rien n'empêche pourtant que leurs dépenses soient acceptées, sinon qu'ils ont mécru en Allah et en son messager, ne se présentent à la salat qu'en fainéant et ne dépensent que malgré eux. Que ne te séduisent ni leurs richesses, ni leurs enfants. Allah veut en faire pour eux une source de tourment en ce bas monde et veut qu'ils rendent l'âme en mécréant. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. Ils jurent par Allah qu'ils sont bien des vôtres et ils ne le sont point. Ce sont plutôt des gens qui jurent sous l'empire de la peur. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. S'ils trouvaient un refuge, des grottes ou un souterrain, ils se tourneraient aussitôt vers eux et s'y précipiteraient. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. Parmi eux, il en est qui te décrit au sujet des charités, sadakat. Ils sont contents s'il leur en est donné, s'ils n'en reçoivent rien, ils sont alors furieux. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. Si seulement ils avaient été satisfaits de ce que leur ont donné Allah et son messager, et avaient dit « Allah nous suffira. Allah nous donnera encore de ses faveurs ainsi que son messager. C'est vers Allah que tendent nos désirs. » إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. Les charités ne sont dues qu'aux pauvres, aux nécessiteux, à ceux qui s'emploient à les collecter, à ceux dont les cœurs sont déjà acquis à l'islam et qui sont prêts à affermir leur foi, à l'affranchissement des captifs, aux endettés, à la cause d'Allah et aux voyageurs du grand chemin. C'est là une prescription d'Allah. Et Allah est omniscient et sage. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Et parmi eux, il en est aussi qui offense le prophète en disant « Il est tout oui. Écoute et crois ce qu'on lui jure. Dis, une oui pour votre bien. Il a foi en Allah et se fie à ceux qui ont la foi. Il est miséricorde pour ceux d'entre vous qui ont cru. Quant à ceux qui offensent le messager d'Allah, ils auront un supplice très douloureux. يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ. Ils vous jurent par Allah, cherchant à vous satisfaire. Mais c'est plutôt Allah qui mérite qu'ils le satisfassent, ainsi que son messager, s'ils sont vraiment croyants. Ne savent-ils pas que ceux qui s'opposent à Allah et à son messager auront pour destination le feu de la Géhenne, où ils séjourneront pour l'éternité? Voilà la suprême ignominie. يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. Les hypocrites ont peur qu'il ne soit révélé à leur sujet une sourate qui dévoilerait ce qu'il y a dans leur cœur. Dis, riez toujours. Allah fera sortir ce dont vous avez peur qu'il ne soit dévoilé. Et si tu les interrogeais à ce propos, ils diraient sans doute, nous ne faisions que converser et jouer. Dis alors, est-ce Allah, de ses versets et de son messager que vous vous bossiez ? إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. Ne tentez certes pas de vous excuser. Vous avez bien mécru après avoir eu la foi. Si nous pardonnons à une partie d'entre vous, nous en voulons une autre au supplice pour ces crimes. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. Hommes et femmes hypocrites relèvent les uns des autres. Ils prescrivent le condamnable et proscrivent le convenable, et gardent leurs mains fermées par avarice. Ils ont oublié Allah, alors il les a oubliés. Certes, les hypocrites sont eux les pervers. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. Allah a promis aux hommes et aux femmes hypocrites, ainsi qu'aux mécréants, le feu de la géhenne. Là, ils séjourneront pour l'éternité. Que cela leur suffise. Allah les a maudits. Et ils auront un supplice constant. الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. Tel fut le cas de ceux qui vécurent avant vous. Ils étaient dotés d'une plus grande force que vous, et avaient plus de biens et d'enfants. Ils ont profité de leur part en ce monde, et vous avez bien joui de la vôtre, tout comme l'avaient fait vos prédécesseurs. Et vous avez débattu d'un même sujet de conversation futile dont ils avaient débattu. Ceux-là, vaines seront leurs actions dans ce bas monde et dans l'autre, et ceux-là sont bien les perdants. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Ne leur est-il pas parvenu l'histoire de ceux qui vécurent avant eux, celle des peuples de Noé, des Had et des Thamoud, ou celle encore du peuple d'Abraham, des gens de Madian et des cités renversées? Leurs messagers leur avaient apporté les preuves évidentes. Allah ne les avait nullement lésés, mais ils se lésaient eux-mêmes. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Les croyants et les croyantes sont parents et solidaires. Ils prescrivent le convenable et proscrivent le condamnable. Accomplissent la salat, s'acquittent de la zakat et obéissent à Allah et à son messager. Cela, Allah leur fera miséricorde, car Allah est tout puissant et sage. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Allah a promis aux croyants et aux croyantes des jardins sous lesquels coulent les rivières, où ils séjourneront pour l'éternité, et des habitations où il fait bon vivre dans les jardins d'Éden. Mais la satisfaction qu'ils auront d'Allah sera plus grande encore. Voilà le succès suprême. Ya ayyuhan nabiy jahid al-kuffar wal-munafiqin waghluz 'alayhim wa ma'wahum jahannam wa bi'sa al-masir. Ô prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites, sois rude envers eux, car leur séjour sera la géhenne, et quel horrible sort. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. Ils jurent par Allah, ils n'ont rien dit, quand ils ont bien prononcé les mots de la mécréance. Ils ont mécru après s'être soumis en musulmans. Ils ont vainement envisagé d'avoir ce qu'ils n'ont pu obtenir. Et ils n'ont rien à dénoncer, sinon qu'Allah les a comblés de ses grâces, ainsi que son messager. S'ils reviennent à Allah, repentant, cela vaudra mieux pour eux. Et s'ils se détournent, Allah les soumettra à un supplice très douloureux dans ce bas monde et dans l'autre. Et sur terre, ils n'auront ni soutien, ni secours. من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. Il en est parmi eux qui se sont engagés devant Allah. S'il nous dispense de ses faveurs, nous nous acquitterons de la zakat et nous serons du nombre des vertueux. Mais quand il les eut comblés de ses grâces, ils en furent avares et se rétractèrent en se détournant. En conséquence, il a marqué d'hypocrisie leur cœur, jusqu'au jour où ils auront à le rencontrer. Cela, pour les punir d'avoir failli à la promesse faite à Allah et d'avoir menti. Ne savent-ils donc pas qu'Allah connaît leurs secrets et leurs confidences, et qu'Allah est le suprême connaisseur des secrets insondables? الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Ceux qui dénigrent aussi bien les croyants, qui font volontairement de généreuses aumônes, que ceux qui n'en font que dans les limites de leurs faibles moyens, et se moquent d'eux. Allah se moquera d'eux, et ils auront un supplice très douloureux. Que tu implores pour le pardon, ou que tu ne l'implores pas, juste même l'implorer 70 fois. Allah ne leur pardonnera jamais. Cela, parce qu'ils ont mécru en Allah et en son messager. Or Allah ne guide point les gens pervers. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. Ceux qui sont demeurés à l'arrière se réjouissaient d'être restés chez eux, bien derrière le messager. Ils avaient en horreur de combattre par leurs biens et par leurs âmes pour la cause d'Allah. Et dire, gardez-vous d'aller au combat par cette chaleur. Dis, le feu de la géhenne est plus chaud encore, si seulement ils pouvaient comprendre. Qu'ils rient un peu en ce bas monde, et qu'ils pleurent beaucoup dans notre monde, au prix de ce qu'ils commettaient. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. Si Allah te ramène vers certains d'entre eux, et que ceux-ci te demandent l'autorisation d'aller au combat, tu leur diras, vous ne sortirez jamais avec moi, ni ne combattrez un ennemi à mes côtés, car il vous a plu de rester chez vous la première fois. Eh bien, restez encore avec ceux qui restent à l'arrière. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. N'accomplis jamais la salate, la prière funèbre, sur l'un d'entre eux quand il vient à mourir. Ne te recueille pas, debout sur sa tombe. Ceux-là ont bien mécru en Allah et en son messager, et ils sont morts en pervers. Que ne te séduisent ni leurs richesses, ni leurs enfants. Allah veut en faire pour eux une source de tourment en ce bas monde, et veut qu'ils rendent l'âme en mécréant. وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ. Et lorsqu'une sourate révélée ordonne, croyez en Allah et luttez avec son messager. Les plus mentis d'entre eux te demandent de les exempter du combat et disent, permets-nous de rester avec ceux qui ne peuvent combattre. رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. Ils sont satisfaits de rester à l'arrière, à l'instar des femmes. Un sceau a été apposé sur leur cœur, si bien qu'ils ne comprennent plus rien. Mais le messager et ceux qui ont cru avec lui ont lutté par leurs biens et leurs âmes. Ceux-là auront droit à tous les biens, et ceux-là auront réussi. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. Allah leur aménageait des jardins sous lesquels coulent les rivières, où ils séjourneront pour l'éternité. Voilà le succès suprême. Certains bédouins, ayant une excuse valable, sont venus te demander de les exempter du combat, cependant que sont restés chez eux ceux qui ont menti à Allah et à son messager. Il atteindra les mécréants parmi eux un supplice très douloureux. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. Aucune possibilité de reproche ne devrait gêner les faibles, les malades ou ceux qui ne trouvent point de quoi dépenser pour la cause d'Allah, pour autant qu'ils soient sincères envers Allah et son messager. Les bienfaiteurs, eux, ne méritent aucun reproche, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Aucune possibilité de reproche ne devrait gêner. Non plus ceux qui sont venus te demander des montures pour aller au combat. Et à qui tu as répondu, je ne trouve rien sur quoi vous puissiez monter. Ils s'en sont retournés alors, les yeux emplis de larmes, affligés de n'avoir pas trouvé de quoi dépenser pour la cause d'Allah. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. Il n'y a possibilité de reproche en revanche qu'à l'adresse de ceux qui te demandent de les exempter alors qu'ils sont riches. Ils sont satisfaits de rester à l'arrière, à l'instar des femmes. Allah a posé un sceau sur leur cœur, si bien qu'ils ne savent rien. وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Ils s'excusent auprès de vous lorsque vous revenez vers eux. Dis, ne vous excusez point. Nous ne nous fions plus à vous. Allah nous a beaucoup instruits à votre sujet. Allah verra bien vos œuvres ainsi que son messager. Puis vous serez ramené vers celui qui connaît aussi bien les choses insondables que les choses observables. Il vous informera alors de tout ce que vous faisiez. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم. إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. Ils vous jureront par Allah quand vous serez revenus auprès d'eux, pour que vous ne teniez pas compte de ce qu'ils auront fait comme faute. Détournez-vous d'eux. Ils sont une souillure, et leur séjour sera la géhenne, pour prix de ce qu'ils ont commis. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. Ils vous font des serments pour rentrer dans vos bonnes grâces, mais c'est bien notre bienveillance. Allah n'accorde pas la sienne aux gens pervers. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. Les bédouins sont les plus farouches des mécréants et des hypocrites. Ils sont portés à ignorer les limites prescrites, hudud, qu'Allah a révélé à son messager. Et Allah entend tout et il est sage. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. Parmi les bédouins, il en est qui considèrent leurs dépenses pour la cause d'Allah comme une lourde charge, et qui attendent que la fortune tourne contre vous, puisqu'ils être frappés eux-mêmes par la mauvaise fortune. Et Allah entend tout, et il est omniscient. Parmi les bédouins, il se rencontre aussi certains qui croient en Allah et au jour dernier, qui font de leurs dépenses un moyen de se rapprocher d'Allah et de gagner les bénédictions du messager. Cela leur sera certes considéré comme un acte de rapprochement d'Allah, Qulubet. Allah les accueillera dans sa miséricorde, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Les tout premiers précurseurs parmi les émigrés, Muhajirin, et les alliés, Ansar, ainsi que ceux qui les auront suivis sur la voie du bien, Allah les agréera comme ils l'agréeront. Il aménageait pour eux des jardins sous lesquels coulent les rivières, où ils séjourneront à tout jamais. Tel est le succès suprême. Parmi les bédouins qui sont autour de vous, et parmi les habitants de Médine, il est des hypocrites, ils persistent obstinément dans l'hypocrisie. Tu ne saurais les reconnaître, mais nous les connaissons. Nous les soumettrons par deux fois au châtiment, puis ils seront voués à un terrible supplice. D'autres ayant avoué leurs péchés, ont mis les bonnes œuvres mauvaises. Allah acceptera peut-être leur repentir, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Prends sur leurs biens une aumône, sadaqa, qui puisse les purifier et les bénir, et prie sur eux, car tes prières seront pour eux source de quiétude. Allah entend tout et il est omniscient. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. Ne savent-ils donc pas que c'est Allah qui, seul, accepte le repentir de ses serviteurs et reçoit les aumônes, sadaqa, et que c'est lui le tout absoluteur, le tout miséricordieux. وَقُلْ اِعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dis, œuvrez donc. Allah verra vos œuvres, ainsi que son messager et les croyants. Et vous serez tous ramenés vers celui qui connaît aussi bien les choses insondables que les choses observables. Il vous renseignera alors sur tout ce que vous faisiez. Et d'autres devront attendre le verdict d'Allah. Ou il les châtiera, ou il leur pardonnera. Et Allah est omniscient et sage. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Il y en a qui ont bâti une mosquée pour en faire une source d'hostilité, de mécréance et de discorde entre les croyants, ou un lieu prêt à accueillir ceux qui auparavant avaient combattu Allah et son messager. Ils jurent, nous n'avons voulu que bien faire, mais Allah atteste que ce sont des menteurs. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Ne t'y rends jamais pour prier. Une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété, si est mieux à ta présence. Là se trouvent des hommes qui aiment à se purifier, et Allah aime ceux qui se purifient. أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Qui donc a plus de mérite? Celui qui a fondé son édifice sur la crainte d'Allah et sur son agrément? Ou celui qui l'a fondé sur une pente de terre croulière, au bord d'un abîme, laquelle s'effondre avec lui dans le feu de la géhenne? Allah, ne guide point les gens injustes. La yazalu bunyanuhumu alladhi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum. Wallahu alimun hakim. L'édifice qu'ils ont bâti ne cessera d'être un motif de doute dans leur cœur, jusqu'à ce que leur cœur en soit déchiré. Et Allah est omniscient et sage. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Allah a acheté des croyants leurs personnes et leurs biens pour qu'en échange ils leur fient don du paradis. Ils combattent pour la cause d'Allah en tuant et en se faisant tuer. Voilà une promesse véridique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Or, qui plus fidèlement qu'Allah honore ses engagements? Réjouissez-vous donc d'un tel échange accompli par vous, car il s'agit du succès suprême. Ceux-là sont ceux qui se repentent, qui adorent Allah, qui le louent, qui jeûnent, qui s'inclinent, qui se prosternent, qui prescrivent le convenable et proscrivent le condamnable, et ceux qui respectent les limites établies par Allah, Hudud. Annonce donc l'heureuse nouvelle croyant. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Il ne convient ni aux prophètes, ni à ceux qui ont cru, d'implorer le pardon pour les associates, même s'ils sont leurs proches parents, après avoir eu la preuve évidente que ces derniers sont les eaux de l'enfer. Quant au pardon qu'Abraham implora pour son père, il ne le fit que parce qu'il ne lui avait déjà promis. Or, lorsqu'il eut la preuve évidente qu'il était l'ennemi d'Allah, il le désavoua. Car Abraham n'avait de cesse d'implorer et était magnanime. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. Allah n'égare point les gens après les avoir guidés vers le droit chemin, Abdahum, et avant de leur avoir montré clairement ce dont ils doivent se préserver. Allah sait parfaitement toute chose. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Allah a la royauté des cieux et de la terre. Il fait vivre et fait mourir, et vous n'avez en dehors d'Allah ni protecteur, ni soutien. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Allah a accepté le repentir du prophète, des émigrés et des alliés qui l'avaient suivi aux heures pénibles, alors que les cœurs de certains d'entre eux allaient être dévoyés. Puis il a accepté leur repentir, car à leur égard, il est tout compatissant et tout miséricordieux. Et il a accepté aussi le repentir des trois hommes qui étaient restés à l'arrière, n'étaient pas partis au combat, et devant qui la terre, si vaste qu'elle fût, devenait beaucoup trop étroite. Leur propre personne leur semblait si exiguë qu'ils se rendirent à l'évidence qu'il n'est point d'autre refuge où se sauver d'Allah qu'auprès de lui. Puis il accepta leur repentir pour qu'ils reviennent à lui. Car Allah est, lui, le tout absoluteur, le tout miséricordieux. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sabiqin. Oh, vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Ma kana li ahli al-madinati wa man hawlahum min al-a'rab an yatakhallafu 'an rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim 'an nafsihi. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. Il ne convient pas aux habitants de Médine et aux Bédouins des alentours de rester derrière le messager d'Allah, ni de lui préférer leur propre personne, car ils ne connaîtront ni soif, ni fatigue, ni faim dans le chemin d'Allah, ne fouleront aucun sort au mépris des mécréants, et n'infligeront aucune défaite à l'ennemi, qui ne leur soit inscrite au nombre de leurs bonnes œuvres. Allah ne laisse pas se perdre la récompense des bienfaiteurs. Ils n'engageront non plus aucune dépense, petite ou grande, ne traverseront aucune vallée qui ne leur soit inscrite. Cela, afin qu'Allah les récompense de leurs meilleures œuvres. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Les croyants n'ont pas à courir tous pour aller combattre. Ne vaudrait-il pas mieux que de chaque groupe de guerriers, quelques-uns se consacrent à approfondir leur connaissance en religion et avertir leur peuple à leur retour, afin que ce dernier soit vigilant. Ya ayyuhalladhina amanu qatilu alladhina yalunakum min al-kuffari wal yajidu fikum ghilzah. Oh, vous qui avez cru, combattez ceux des mécréants qui vous entourent, qu'ils trouvent en vous de la rudesse, et sachez qu'Allah est avec les gens qui le craignent pieusement. Lorsqu'une sourate est révélée, il est parmi eux celui qui dit « Qui de vous cette sourate a raffermi dans sa foi ?» Quant à ceux qui ont cru, elle a certes raffermi leur foi, et ils n'en sont que pleins de joie. Mais ceux dont les cœurs sont rongés par le mal, elle ne fait qu'ajouter à leur souillure, et ils mourront en mécréant. Ne voit-il donc pas qu'ils sont mis à l'épreuve une ou deux fois par an, puis qu'ils ne se repentent pas, ni ne s'en souviennent. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. Et lorsqu'une sourate est révélée, ils se regardent les uns les autres et se disent « Quelqu'un vous voit-il ? » Puis, ils se retirent en se détournant. Qu'Allah détourne leur cœur de la vérité, eux qui ne comprennent rien. « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. » Il vous est venu un messager choisi parmi vous. Il lui pèse de vous voir souffrir, et il lui importe de vous voir heureux. Et envers les croyants, il est plein de pitié et de compassion. « فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. » S'il se détourne indifférent, alors dit « Allah me suffit. Point d'autre divinité que lui. C'est à lui que je m'en remets, et c'est lui le seigneur du sublime trône.